châtiment. Qu'est-ce qu'il fallait pour la punir? Au châtiment. Au châtiment. Aux punitions des mains. Des mains pour punir les mains. Des mains pour punir les mains. Des mains pour punir les mains. Quel châtiment. Quel châtiment. Quel châtiment. Quel châtiment. Quel châtiment. Demain, demain, demain, punir demain. Oh, punir demain. Demain, demain, demain, demain, demain, demain. Pour punir demain. Quel châtiment. Oh. Punir, amendir, amendir, tant que ça.